l'Église orthodoxe aujourd'hui. Chers auditrices et auditeurs, bonjour. Je vais consacrer cette émission à la semaine annuelle de prière pour l'unité des chrétiens qui s'est terminée mercredi dernier. Le thème central proposé pour la célébration écuménique et les méditations de cette semaine a été « Là où deux ou trois se trouvent réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux », des paroles du Christ mentionnées dans l'Évangile selon saint Matthieu. Dimanche dernier a eu lieu à l'église catholique Notre-Dame-du-Val, à Bussy-Saint-Georges, le Rassemblement œcuménique régional pour l'Île-de-France. L'Église orthodoxe a été représentée par le prêtre français Georges Bellier, recteur de la paroisse francophone Saint-Martin à Soucy-en-Brie, paroisse qui se trouve sous la juridiction de la métropole orthodoxe roumaine d'Europe occidentale et méridionale. Une importante rencontre œcuménique a eu lieu la semaine dernière, jeudi, à l'église Saint-Augustin, dans le 8e arrondissement de Paris, en présence du Mgr Gabriel de Coman, archevêque orthodoxe des paroisses russes du patriarcat œcuménique en Europe occidentale. Pour nous parler de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, j'ai invité le curé de cette église, Père Richard Escudier, qui est également le délégué pour l'œcuménisme de la part de l'archevêché catholique de Paris. Je lui ai demandé d'abord de nous donner ses impressions sur le rassemblement œcuménique régional de Bussy-Saint-Georges. Le rassemblement du dimanche 22 octobre, c'était donc à Notre-Dame-du-Val. Nous avons voulu d'abord aller dans un autre diocèse, donc le diocèse de Meaux en l'occurrence, et nous étions accueillis par l'évêque, Mgr Albert-Marie de Mauléon. Tous ces témoignages qu'on a entendus permettent de comprendre le sentiment profond de personnes qui appartiennent à des églises différentes, appartiennent à une ville nouvelle et qui partagent profondément leur identité, leur trésor, leur patrimoine. Je trouve que c'est très beau. Surtout que pour nous, Parisiens, qui vivons dans un contexte peut-être plus anonyme, on a moins l'habitude de ces liens humains. J'ai trouvé à Bussy-Saint-Georges qu'il y avait une vraie qualité de liens humains. Et puis, des responsables d'église ont été invités, dont Jean-Charles Tenrero, de l'église réformée. Il y avait là un prêtre représentant la métropole roumaine. Il y avait bien sûr, bon, nous les catholiques, et quelques autres. Et je crois qu'en marquant Bussy-Saint-Georges de ce rassemblement régional, on voulait montrer que Paris n'est pas le seul lieu où se vit quelque chose d'ordre œcuménique. On se rassemble beaucoup à Paris. C'est plus difficile d'attirer l'attention sur ce qui se vit ailleurs. Alors c'est un peu un pari. Donc il y avait à peu près 150 personnes qui sont venues. Je crois que c'était important pour ceux qui nous ont accueillis. C'était ça l'enjeu. Et de ce point de vue-là, je pense que Mgr de Mauléon a été touché, et la communauté locale touchée également, que sous la présidence de l'évêque, une telle célébration ait pu avoir lieu. Qu'est-ce que signifie pour vous le thème qui a été choisi pour la semaine œcuménique de cette année, un thème centré sur la prière? Oui, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Pour moi, c'est tout à fait capital parce que cette parole du Christ s'inscrit dans un contexte de réconciliation. C'est à peu près dans la même conversation que Pierre demande à Jésus « Combien de fois dois-je pardonner ? Sept fois ?» Et Jésus répond « Je ne te dis pas sept fois, mais 70 fois sept fois. » C'est donc un contexte de dissension peut-être dans la communauté et où on a besoin de retrouver l'unité, une unité qui donnait au départ. Et c'est peut-être comme ça d'abord que j'appréhende cette phrase de l'Évangile, c'est que là où des frères ont quelque chose à se reprocher, là où il y a eu une séparation, là où il y a eu des blessures infligées, eh bien, quand ils demandent ensemble pardon, quand ils cherchent à retrouver l'unité blessée, je ne dis pas perdue, mais blessée, alors le Christ est là au milieu d'eux. Et c'est peut-être pour nous, au plan œcuménique, la phrase avec le chapitre 17 de saint Jean, « Qu'il soit un comme toi et Père et moi, nous sommes un », c'est certainement l'une des deux phrases, en tout cas les plus caractéristiques de ce chemin d'unité sur lequel nous marchons. Père Richard Escudier, la semaine dernière a eu lieu un important rassemblement œcuménique dans l'église Saint-Augustin, dans le 8e arrondissement de Paris, église dont vous êtes le recteur. Parlez-nous, s'il vous plaît, aussi de cette rencontre. C'est depuis que je suis nommé curé de Saint-Augustin, la deuxième fois que nous nous rassemblons, en effet, à l'occasion de la Semaine de l'Unité. Il se trouve que dans ce coin de Paris, l'association Étoile Champs-Élysées, qui regroupe trois arrondissements, le 8e, le 16e et le 17e, représente vraiment une grosse réalité, si je puis dire, écuménique, puisque ça représente 25 communautés, dont plusieurs cathédrales. Alors, Étoile Champs-Élysées est une association forte, militante, j'en suis heureux, et il y a des évêques qui vraiment s'y donnent, comme particulièrement, je pense à Mgr Gabriel, de la cathédrale de la rue d'Aru. Et cette célébration, qui a rassemblé entre 250 et 300 personnes, a permis de vivre la proposition liturgique du Conseil œcuménique des Églises, en lien avec le Conseil pontifical, comme vous le savez, qui est une proposition irlandaise à l'origine. Là, je crois que c'était à la fois beau et saisissant, parce que nous avons eu une qualité d'animation avec la participation de la chorale anglicane, l'église Saint-Georges, mais aussi une atmosphère vraiment de fraternité, de convivialité, si je puis dire. On avait sept coprésidents, plus d'autres ministres qui étaient présents, et je crois que les gens ont été heureux de ce moment vécu ensemble, qui se voulait priant, en même temps qu'un temps de partage. Mais je dois dire tout de suite que ce n'est pas la seule initiative dans Paris, il y en a eu beaucoup d'autres qui marquent cette semaine de prière et qui manifestent que les prêtres, les pasteurs, les fidèles, les laïcs sont toujours conscients de l'enjeu de l'unité et veulent marquer cette semaine par des initiatives. Chers auditeurs, l'œuvre d'Orient est une association à travers laquelle les chrétiens catholiques de France aident surtout les chrétiens catholiques orientaux, les grecs catholiques d'Orient, mais aussi des chrétiens orthodoxes. Elle a participé par exemple au financement de la Radio Trinitas, créée par la métropole orthodoxe de Moldavie, en Roumanie, qui est aujourd'hui la plus importante radio chrétienne de ce pays. Dans certaines régions, l'aide fournie par cette association contribue à l'amélioration des relations interconfessionnelles sur le plan local. Ainsi, on peut dire que son œuvre a aussi une dimension écuménique. J'ai demandé à Mgr Philippe Brizard de nous parler de l'œuvre d'Orient, dont il est le directeur général. L'œuvre d'Orient, aujourd'hui, est un trait d'union, un moyen de communion pour les chrétiens de France avec leurs frères des églises orientales. Ce trait d'union consiste d'abord à faire connaître ce monde si divers des églises orientales. Cela consiste aussi à aider ces églises avec les moyens des chrétiens de France. Par quels moyens l'œuvre d'Orient participe à la bonne entente écuménique entre des chrétiens des diverses confessions sur le plan local? Vous avez raison de préciser sur le plan local, parce que à force de globaliser les choses, on risque d'être complètement bloqué. Mais il y a sur le terrain des expériences qui sont fort sympathiques. Alors tout d'abord, l'œuvre d'Orient ne se substitue à aucune église et donc laisse chaque église agir selon ce qu'elle sent. Tout ce que je peux dire, c'est que je souhaite que la communion dans la charité, c'est évident. Alors ainsi, en Roumanie, où il existe, au moins en Transylvanie, des gréco-catholiques à côté d'une église orthodoxe qui est bien installée, qui est puissante, une manière de résoudre les conflits de locaux, de restitution d'églises, etc., c'est de se mettre à construire des églises. L'œuvre d'Orient n'a pas des moyens extraordinaires, mais il lui est arrivé de coopérer à la construction de nouvelles églises ou aussi de locaux pastoraux pour le catéchisme, etc. Je crois qu'il faut noter aussi qu'à Yach, alors là avec le métropolite Daniel, métropolite de Moldavie, nous avons contribué à la radio Trinitas, qui, vous me disiez, était une des plus importantes radios locales en Roumanie. Et enfin, toujours avec la Roumanie et les Roumains, nous fournissons des bourses à des étudiants envoyés par leurs évêques, des étudiants orthodoxes qui viennent faire des études en France. Ce sont souvent des études de grande ouverture et de grand niveau. Et des étudiants qui sont à la fois à la Cato et à l'Institut Saint-Serge, lequel l'Institut Saint-Serge bénéficie aussi d'une petite subvention de notre part. Monseigneur Philippe Brizard, l'œuvre d'Orient a participé aussi à la bonne entente entre les églises au Moyen-Orient. Dans le même esprit de ce que je viens de dire, c'est-à-dire que je ne me substitue pas aux églises. Mais il est très certain qu'en Syrie notamment, toutes les églises qui se réclament du patriarcat d'Antioche ont comme une nostalgie de l'unité et plus que ça, un vrai désir de retrouver la communion. Il y a des avancées qui sont quelquefois, je dirais presque étonnantes, mais elles recherchent vraiment à se retrouver dans l'unité. Ailleurs, comme par exemple en Terre Sainte, Palestine et Israël, c'est bien souvent la nécessité face à une situation dramatique et qui fait que ces églises se rapprochent. On est obligé de se serrer les coudes pour faire face à un danger commun. Monseigneur Brizard, on sait bien que l'archevêque de Paris est aussi le responsable de la part de l'Église catholique de toutes les communautés ecclésiales orientales, grecques catholiques, qui existent sur le territoire de la France. Et Monseigneur Lustiger, autant quand il était encore cardinal de Paris, il a instauré une fête en honneur des martyrs orthodoxes. De quoi s'agit-il? C'est après la canonisation par l'Église orthodoxe des martyrs de Montbard, pour faire bref. Donc ça, c'est une histoire compliquée, douloureuse, au temps de l'occupation nazie en France. Cette canonisation, d'abord, elle a été reçue dans l'Église gréco-catholique d'Ukraine. Et ils sont honorés dans le culte des saints, au même titre que les autres saints martyrs de l'Église catholique. Ensuite, le cardinal Lustiger, quand il était archevêque de Paris et qui était très sensible et très attentif aux relations avec les chrétiens d'Europe orientale, a voulu marquer l'événement en instituant pour le diocèse de Paris un jour de mémoire des martyrs et des églises orthodoxes. C'est à quelle date cette fête des martyrs orthodoxes célébrée par les catholiques de Paris? C'est le 20 juillet. Et si cette fête a été reçue d'abord par l'église gréco-catholique d'Ukraine, c'est peut-être aussi du fait que le petit-fils du prêtre Dimitri Krepinin, qui était parmi les quatre personnes qui ont été canonisées, donc des saints d'origine russe qui vivaient en France, ce petit-fils, il vit maintenant en Ukraine et il est le directeur de l'université catholique, n'est-ce pas? Le directeur de l'Institut d'études œcuméniques de l'université catholique de Lviv. Donc, c'est Antoine Arjakovski qui est lui-même orthodoxe. Et c'est encore là un bon signe de relation inter-église. Dieu sait que les relations entre les églises sont délicates, c'est moins qu'on puisse dire, en Ukraine. Monseigneur Philippe Brizard, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en conclusion de cette interview concernant l'attitude qu'on doit avoir pour améliorer cette relation œcuménique entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe? Vous m'avez interrogé sur ce que l'œuvre d'Orient pouvait faire, et donc à travers elle, ce que font des chrétiens de France à l'endroit de leurs frères orientaux. Je crois que, en ces jours où on pense si fort à l'unité, il nous faut la trouver dans la paix du cœur, en nous laissant envahir par l'amour que le Seigneur veut nous donner. Et c'est son amour qui nous unira dans la diversité de nos personnalités. C'est vrai au niveau de chacun de nous. Nous sommes appelés à devenir des saints parce que Dieu veut nous remplir de sa vie, et les orientaux parlent de divinisation, ce qui veut bien dire ce que cela veut dire. Et c'est précisément par cette sanctification et cette divinisation que nous pouvons trouver l'unité dans l'amour de Dieu. Chers auditeurs, le 16 janvier 2004, le patriarcat de Constantinople a signé l'acte de la canonisation des 100 chrétiens orthodoxes d'origine russe qui ont vécu en France, l'archiprêtre Alexis Medvekov d'Ugine et 4 saints martyrs, le prêtre Dimitri Klepinin, l'ammonial Marie Skoltsov, Georges Skoltsov et Elie Fondaminsky. Ces martyrs ont péri pendant la Seconde Guerre mondiale dans des camps nazis pour avoir aidé et protégé des juifs persécutés. Le dimanche 2 mai 2004, durant la divine liturgie célébrée en la cathédrale russe Saint-Alexandre Nevski de Paris, cette canonisation a été solennellement proclamée par son éminence l'archevêque Gabriel de Coman, exarque du patriarche œcuménique pour les paroisses de tradition russe en Europe occidentale, en présence d'évêques orthodoxes de diverses juridictions et d'autorités ecclésiastiques des autres confessions chrétiennes. Après avoir participé à cet office, Monseigneur le cardinal Jean-Marie Lustiger a décidé que la fête commune de ces 500, fixée par l'Église orthodoxe au 20 juillet, sera célébrée aussi par l'archevêché catholique de Paris comme fête de saints martyrs orthodoxes. Antoine Arjakovski est le petit-fils du prêtre Dimitri Klepinin, un des 4 saints martyrs. Docteur en histoire, il dirige l'Institut d'études œcuméniques à Lviv, qui fait partie de l'Université catholique d'Ukraine. Vendredi 20 janvier, à la maison de l'Association chrétienne des étudiants russes, à Paris, dans la paroisse de son enfance, il a donné une conférence sur la situation des églises chrétiennes en Ukraine et les relations œcuméniques dans ce pays. À cette occasion, j'ai demandé à Antoine Arjakovski de nous parler d'abord de la mémoire de son grand-père, le saint prêtre Dimitri Klepinin, tel comme il l'a reçu dans sa famille à Paris. J'ai reçu dans ma famille une mémoire vivante de mon grand-père, comme quelqu'un qui agit au ciel dans nos vies, comme quelqu'un de présent. C'est ça que ma grand-mère, ma mère m'ont transmis. Ma mère a mis longtemps avant de pouvoir écrire quelque chose sur son père, et là récemment elle a publié un livre sur lui où elle raconte toutes les histoires qu'elle nous racontait quand nous étions enfants. Mais le plus important de ce qu'elle m'a transmis, c'est son message d'intégrité spirituelle. Je me souviens que quand j'avais 11 ans, 12 ans, j'étais pas très sage à l'école et j'avais beaucoup de remarques des enseignants. Et un jour, un samedi matin, elle m'a parlé de mon grand-père et de son martyre, et du fait qu'il était mort pour la vérité, en sauvant des Juifs, qu'il n'avait pas voulu se désolidariser de la mère Marie Skoptsov alors qu'il aurait pu et vivre et s'occuper de sa famille, et ça aurait été possible pour lui ensuite de passer en zone non occupée. Mais il savait qu'avec un État totalitaire, il faut être très ferme et rester bien solidaire entre chrétiens. Et ça, il l'a payé de sa vie. Et donc ce message d'intégrité, de justice et de vérité, c'est ça que ma mère m'a transmis ce samedi matin-là. Je me rappelle que je me suis effondré en larmes, je suis parti à l'école en pleurant, mais de ce jour-là, mon attitude a complètement changé à l'école. Et ensuite, du coup, j'ai commencé à le prier, comme ça, à lui parler. Et c'est pas venu du jour au lendemain, mais j'ai eu des rencontres, des gens qui sont venus dans ma vie, qui m'ont aidé à un moment difficile. Quand on a 16-17 ans, par exemple, on se demande qu'est-ce qu'on va faire plus tard comme études, etc. Et je me rappelle que j'étais allé au monastère de Maldon, en Angleterre, et je voulais rencontrer le Staret Sophroni, parce que j'en avais beaucoup entendu parler, comme quelqu'un de sage. Mais lui était malade et ne pouvait pas sortir. Et c'est au moment où je partais qu'il est sorti, qu'il est venu me chercher, qu'il m'a dit des paroles très spirituelles, qui m'ont guidé ensuite pour mes études supérieures. Et à la fin, il m'a dit « Mais je connais votre grand-père ». Et là, il m'a parlé de ses souvenirs, comment dans les années 30, ils allaient dans les camps de vacances ensemble, et etc. Et en Russie, ensuite je suis parti en Russie et j'ai rencontré le père Alexandre Maigne. Et c'était sur une voie de chemin de fer à la campagne. Bon, c'était en 89, l'église n'était pas encore complètement légalisée. Et il m'a pris à part et il m'a dit « Vous êtes le petit-fils du père Dimitri, sachez que je le prie et que, voilà, organisons une soirée consacrée à la mère Marie Skoptsov. » Alors j'ai dit « Très bien. » Et on a organisé une soirée dédiée à la mère Marie Skoptsov et à mon grand-père. Et c'était le 2 septembre 1990. Et il a beaucoup parlé du père Dimitri, en parlant de son martyre, de sa sainteté. Et la semaine suivante, il est mort assassiné à coups de hache. Et pour moi, ça a été aussi la marque qu'il y avait un lien entre le martyre de mon grand-père et le martyre, pour moi, de saint Alexandre Maigne. Il y a eu comme ça plusieurs événements dans ma vie qui me montraient qu'il y a une sorte de communion des saints, de présence active de mon grand-père au ciel. Et c'est la raison pour laquelle, quand il y a eu la célébration de glorification au mois de mai 2004, eh bien, et toute ma famille, on s'est énormément réjouis, parce qu'on peut le prier, il est vivant, il agit dans nos vies, et que toute l'Église en bénéficie, et pas uniquement l'Église orthodoxe, l'Église de tous les chrétiens. Ça, c'est comme le cardinal Lustiger est venu à la célébration de glorification, et il a demandé à tous les catholiques de s'unir dans la prière chaque année le 20 juillet, avec les frères orthodoxes, tous les catholiques de la région parisienne, de son diocèse. Ça, c'est un signe extraordinaire d'écuménisme, d'unité des saints au-delà de toutes les barrières confessionnelles. Et réellement, on peut le prier et son action... Alors bien entendu, c'est très fin, il faut savoir avoir des oreilles qui écoutent et des yeux qui voient, mais sa présence est active. Et c'est ça que j'ai reçu, et c'est ça dont j'aimerais témoigner, parce que c'est formidable. Justement, dans l'émission L'Église orthodoxe aujourd'hui, j'ai plusieurs fois parlé de cette forme particulière d'écuménisme très efficiente, je pense, qui est l'écuménisme autour des saints de l'Église. Et j'ai mentionné l'exemple de Saint Silouane du Mont Athos, qui réunit aussi autour de lui des chrétiens de diverses confessions. Donc, c'est vrai que la mémoire des saints martyrs orthodoxes de Paris, parmi lesquels se trouve aussi le père Dimitri Klepinine, votre grand-père, c'est un cas unique. C'est pour la première fois quand les catholiques, donc le cardinal Lustiger en particulier, a instauré une fête pour honorer ces saints martyrs orthodoxes. Voilà, c'est un cas unique qui montre la proximité entre catholiques et orthodoxes, et qui rejoint toute une tradition de l'Église orthodoxe qui dit que les frontières entre les confessions ne montent pas jusqu'au ciel. Mon grand-père était très proche, dans les années 30, du cercle de Berdiaïev, du père Serge Bulgakov, qui eux-mêmes étaient très proches de Jacques Maritain, de Emmanuel Mounier, de tout ce mouvement catholique de la revue Esprit. Donc il y avait une véritable prise de conscience que ce qui nous unit est bien plus important que ce qui nous sépare, et que ce que la société a besoin aujourd'hui, c'est d'une église chrétienne unifiée qui témoigne ensemble. Alors bien entendu, il peut y avoir différentes interprétations de la vie intratrinitaire. Oui, elles existent, mais c'est pas ça qui empêche le témoignage commun d'un amour, d'une amitié entre les chrétiens. Et moi, à titre personnel, je suis, oui, convaincu qu'il y a une unité entre les saints au ciel. Antoine Jakovski, vous êtes très engagé sur le terrain œcuménique, surtout en Ukraine, où vous habitez actuellement. Vous êtes directeur de l'Institut des études œcuméniques à Lviv. Comment ça se fait que vous, en tant qu'orthodoxe, vous êtes directeur d'un institut qui tient de l'Université catholique d'Ukraine? Eh bien, parce qu'à l'Université catholique d'Ukraine, il y a une volonté de tendre la main vers les orthodoxes. Les catholiques sont minoritaires en Ukraine, alors que les orthodoxes sont majoritaires. Et donc, il y a la volonté de travailler en commun. Et c'est la raison pour laquelle le recteur de l'université catholique m'a proposé de venir créer cet institut d'études œcuméniques. Et dans cet institut, il y a un catholique, un orthodoxe, un gréco-catholique, et ensemble, on est d'accord sur l'essentiel. On est d'accord sur le fait que l'œcuménisme de la vie doit témoigner de ce que dans la vie quotidienne, dans la vie professionnelle, dans les couples mixtes, il y a bien plus de choses qui réunissent les chrétiens que de choses qui les séparent. On a longtemps fait un œcuménisme de la vérité en insistant sur les dialogues théologiques, et c'est important. Mais il y a un moment où il faut que l'Église prenne conscience de cet œcuménisme quotidien. Et ça, ensemble, on en est convaincus, on en témoigne, et on fait des projets communs, des projets sociaux, des projets éducatifs. On crée un master d'études œcuméniques à l'Université nationale. On fait des colloques, des lieux de rencontres. On a créé la première association réunissant toutes les juridictions orthodoxes et catholiques en Ukraine, d'universitaires qui réfléchissent ensemble, mais dans un esprit, je dirais, assez détendu et sans crispation. Chers auditeurs, la première présentation des icônes contemporaines d'Herzégovine en Europe occidentale sera organisée à Paris au début du mois prochain par la délégation permanente de Bosnie-Herzégovine auprès de l'UNESCO et le diocèse de France et d'Europe occidentale de l'Église orthodoxe serbe. Afin de démontrer le respect du style traditionnel, les photographies des icônes authentiques qui servaient d'inspiration seront exposées parallèlement avec les icônes exécutées aujourd'hui. Ces iconographes de l'école de Trebinje, ville d'Herzégovine, s'inspire notamment des icônes exécutées entre le XIIIe et le XIXe siècle. Le vernissage aura lieu mardi 31 janvier à 18h30 à la maison de l'UNESCO, 7 place de Fontenoy, Paris 7e. L'exposition sera le 1er et le 2 février à la salle Miro de la maison de l'UNESCO, puis du 4 au 15 février à l'église orthodoxe serbe Saint-Sava, 23 rue du Saint-Plon, Paris 18e. Chers auditeurs, le dimanche prochain, 5 février, à 15h, aura lieu la séance solennelle annuelle de l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge de Paris. Le discours académique sera prononcé par l'évêque anglais Callistos Ware de Dioclia, importante personnalité de la spiritualité orthodoxe contemporaine, qui recevra à cette occasion un doctorat honoris causa de la part de l'Institut. L'adresse de l'Institut Saint-Serge est 93 rue de Crimée, dans le 19e arrondissement de Paris, métro Lomière. Vous venez d'entendre l'émission L'Église orthodoxe aujourd'hui. Une émission réalisée par Bogdan Florin Vlaicu. Les chants liturgiques ont été interprétés par les moines du monastère Simonos Petra au Mont Athos et du monastère Saint-Antoine le Grand dans le Vercors, la chorale Saint-Jean Damascène de Paris, la chorale byzantine du groupe Studion de France et l'ensemble du chant byzantin Stavropoleos de Roumanie. Nous vous souhaitons une semaine emplie de joie spirituelle et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain à 13h sur Radio Anguin 98 FM, dimanche prochain à 17h sur Radio Notre-Dame 100.7 FM et durant toute la semaine sur la rubrique Podcast Orthodoxe du site internet orthodoxie.com.